Bonjour à tous, ici Gloop pour une nouvelle instance du Direct Live from the Elsass. Nous sommes le 19 juillet 2007. Il est 17h sur mon horloge, sans doute un petit peu autre chose selon le décalage horaire et le décalage numérique. Et donc aujourd'hui, nous allons avoir, grâce à une autorisation qui est arrivée, droit à quelques sons d'instruments préhistoriques avec les explications en prime, bien entendu. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Puis après, de la Music World, puis de l'alternatif. Ça, on verra en fonction de combien de temps je passe à papoter et combien de temps ce qui reste pour la musique elle-même. Alors, cette émission, en tout cas, oui, cette émission est sous licence Creative Commons by NCND 2.0, mais les musiques conservent leur licence d'origine, telles que je les indiquerai. Et donc, en générique derrière, c'est Acid New Year de Coconutsu, je suis déjà en train de me mélanger, Acid New Year, sous licence art libre. Et donc voilà ce générique, ça y est, ça commence par être bien embrouillé comme début, c'est pas mal, on commence par bafouiller, ça fait toujours bonne impression pour le reste de l'émission. It is nothing serious. It is nothing serious. It is nothing serious. Alors, comme je vous le promettais, on va parler d'instruments préhistoriques. Donc là, en termes de musique, je ne pourrais pas remonter plus loin dans le temps. Déjà que j'ai atteint la limite pour ce qui est des enregistrements. Maintenant, pour ce qui est de la musique elle-même, oula, voilà que mon micro se balade. Là, je fais aussi loin que je peux. Donc, la préhistoire. L'homme de Cro-Magnon pratiquait-il la musique ? Donc pour ça, en fait, on n'a pas de réponse tranchée. En tout cas, il fabriquait bel et bien des instruments sonores. Ça, donc, on en est sûr, étant donné qu'il y a des archéologues qui ont découvert des sifflets, des flûtes aussi, mais un petit peu plus tard, des rhombes et des racleurs, et ça dans différentes grottes. Donc le rhombe, en fait, c'est une espèce de plaque avec une ficelle, on fait tourner ça en l'air, et ça provoque des vibrations, ça c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc en juin, ou en mai, je ne sais plus, enfin récemment, tout récemment, quoi, des fragments de trois flûtes en ivoire et d'une quatrième en os de vautour ont été trouvés dans la grotte de Hohenfels, dans le nord des Alpes en Allemagne. Est-ce que je suis bien? Oui, je suis en train d'émettre. Là, j'ai eu comme un doute. Non, j'émets. Je ne parle pas dans le vide. Donc, dans les couches archéologiques de l'Orignacien, quoi, au nord des Alpes, dans l'Allemagne, trois flûtes que l'on date environ d'il y a 35 000 ans. Alors bon, ce ne sont pas les seuls instruments sonores découverts jusqu'à présent dans le monde, ces flûtes, mais en tout cas, ce sont les plus anciens qui sont attestés à l'heure actuelle. On avait aussi trouvé à un moment un os d'ours percé qui daterait de 43 000 ans en Slovénie, mais pour l'instant, les scientifiques n'ont toujours pas réussi à confirmer de façon incontestable qu'il s'agit réellement d'une flûte, même si la forme le laisse suggérer, ça pourrait aussi bien être un pendentif. Vu que c'est vraiment un fragment très infime et on n'a pas encore trouvé le reste. L'ensemble des instruments de musique préhistorique qui nous sont parvenus jusqu'à présent ne constitue probablement qu'une très infime partie de ce qui a été réellement fabriqué. Parce que bon, déjà, tout ce qui est en matière végétale, ben, ça ne s'est pas conservé. On n'a pas trouvé de flûte en bois, ben, parce que ça ne s'est pas conservé. On suppose qu'on prend ce qu'il a pu y en avoir, mais on n'en a aucune certitude. Est-ce qu'ils auraient éventuellement inventé aussi des instruments avec des anches en roseau, par exemple, ou bien des trucs genre des casous ou des choses comme ça? C'est pareil, c'est manque de reste, donc on a très peu d'éléments matériels par rapport au nombre qui a été probablement fabriqué dans la réalité. Et bon, il faut travailler sur des hypothèses, hein, et puis c'est, grosso modo, avec le peu qu'on a. Alors déjà pour commencer, une phalange sifflante de rennes, ce n'est pas un instrument de musique à proprement parler, mais c'est plus un moyen de communication à longue distance. C'est un petit peu le téléphone mobile de l'époque, puisque ça permettait grâce à son son se distinguait facilement de ceux que susurrait la nature. Quoi qu'il ressemblât à un soupçon au sifflement d'un rapace, il présentait l'avantage de ne pas faire s'enfuir les animaux et donc ça en faisait un instrument de communication idéal. La fréquence de ces phalanges sifflantes, ça tourne autour de 2,5 kHz. L'oreille humaine y est très sensible. Alors, phalanges sifflantes, alors contrôle N, parce que là, que j'ai un petit peu les informations exactes, que je ne vous donne pas de, que je ne vous raconte pas de bêtises. Donc, voilà, c'est celui-là. En fait, c'est grâce à l'autorisation de Radio-Canada conditionnée à l'autorisation et qui a été obtenue en fait de Tina Higg, Claude Rétissot, que je peux vous faire passer ces instruments. Donc Tina Higg, Claude Rétissot, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est docteur en préhistoire et en archéologie musicale. Donc à l'université de Paris 1, donc à la maison de l'archéologie et d'ethnologie de Nanterre, et c'est elle qui a enregistré ces sons et donc qui ont été récupérés avec donc leur autorisation aussi dans le podcast Des années-lumière du 5 juillet 2009 sur Radio-Canada. Alors, ces enregistrements, quand même, vous avez le droit, pour ceux qui ont téléchargé cette émission, vous ne commettez pas un impair de continuer à la diffuser, puisque l'autorisation a été donnée pour l'utilisation dans cette émission destinée à être publiée sous licence Creative Commons by NCND 2.0. Mais en revanche, les sons isolés, eux, ne sont pas sous une licence libre, et donc, pour toute autre utilisation, il faudra quand même l'autorisation de l'intéressé. Donc ce sifflet en phalange de renne est un instrument qui a été reconstitué à l'identique d'après les vestiges archéologiques. Et donc là, il y en a pour 3 secondes. Donc voilà, c'est ce que les hommes préhistoriques utilisaient, mais ce type de sifflet a été utilisé couramment aussi jusqu'au début du XXe siècle. Et il y avait pas de problème de brevet, donc c'était d'autant plus facile. C'était les Indiens du territoire de Mackenzie qui s'en servaient pour approcher les rennes Et puis d'ailleurs, des expériences ont été menées sur ces sifflets, puis qu'ils sont allés jusqu'à montrer que ce sont parfois les rennes eux-mêmes qui cherchaient à s'approcher de la source sonore. Donc il est très très probable que l'homme préhistorique cherchait par ce moyen à approcher les animaux. Alors, il y a également un autre son d'instrument, c'est ce qu'on a de choses qui ont été retrouvées dans les grottes, c'est un sifflet en os de cygne. Alors, ce sifflet en os de cygne est percé d'un seul trou aussi. Il était le plus souvent fabriqué en os de rapace, quand même, ce type d'instrument, d'aigle, de vautour. Et il s'apparente d'ailleurs un peu plus à un appeau, car il permet d'imiter certains sons de la nature, ce qui n'exclut pas néanmoins l'utilisation pour la communication longue distance, comme pour le cas de la phalange sifflante. Donc ces sifflets, les deux qu'on a entendus, on ne peut pas encore appeler ça vraiment un instrument de musique, hein, puisque déjà leur fonction était liée à la chasse principalement, et pour pouvoir prétendre à la fonction, à la catégorie d'instrument de musique, vaudrait mieux qu'ils soient percés de plusieurs trous, de manière à pouvoir produire différentes hauteurs de son, et ben, notamment le cas de la flûte en radius de vautour fauve, Gyps fulvus, donc ça c'est pour l'instrument qui a été retrouvé. Donc un vautour pareil, ça fait à peu près 2,30 m d'envergure pour indication, et donc c'est ce qu'on a retrouvé dans la grotte de la Hohefels. Cette flûte mesure environ 20 cm de long quand elle est entière. Et on l'a retrouvée presque entière d'ailleurs. Donc les reconstitutions laissent supposer qu'intacte, elle mesurerait dans les 30 cm pour un diamètre de 8 mm. Elle est percée de 4 trous. Il y avait peut-être un cinquième trou qui n'aurait pas été conservé jusqu'à nos jours. Et ces trous sont clairement conçus pour les doigts. Ça se voit au diamètre, à l'écartement. La flûte comporte une entaille aussi à une extrémité pour souffler dedans. Et donc ça permet de jouer 9 notes sur 2 octaves sur une gamme harmonique proche de ce qui se fait en musique actuellement d'ailleurs. Donc c'est peut-être pas l'ancêtre du dernier tube à la mode comme sonnerie téléphone portable, hein, on n'avait pas ce genre de futilité. Pour la dernière chanson de Mamie Steak de Mammouth, on tapait pas 3e, 2e, 4e, 1er et 3e trou. La flûte d'ailleurs entendue dans l'extrait sonore, ce n'est pas une reconstitution de la flûte retrouvée, hein, c'est une flûte qui ne comporte que 3 trous. Mais pour cette flûte qui date de 35 000 ans, elle se trouvait à 70 cm d'une figurine féminine déjà célèbre, un pendentif en ivoire qui représente un corps féminin dont les attributs sexuels sont surdimensionnés. La tête est remplacée par un anneau pour l'accrocher, c'est-à-dire qu'au départ la tête n'a pas été représentée, et ça dès la fabrication. Bon, n'en tirons pas des conclusions misogynes hâtives. Il est fort possible que ça ait un rapport avec une fonction cultuelle, mais là, ben, nouveau, c'est toujours des hypothèses parce que on a très peu d'éléments pour reconstituer la vie des hommes préhistoriques. Donc voici le son d'une flûte à bec en fémur de vautour, reconstitution d'un vestige, donc reconstitution à l'identique. Alors, autre instrument, donc le rhombe. Donc ça, c'est un instrument avant, mais là, on ne souffle pas dedans. C'est l'air qui est autour qui sert. Donc le rhombe s'est apparu vers 24 000 ans avant Jésus-Christ. C'est un autre instrument dont on ne connaît pas le rôle au temps préhistorique. Donc c'est une plaquette fine en ivoire ou bien en bois de renne qui est traversée par une cordelette et qu'on fait tournoyer en l'air. Donc les restes qu'on a retrouvés, il n'y avait pas de cordelette. C'était dans des matières qui ne se conservaient pas, hein, soit du textile, enfin quelque chose de végétal, soit alors du tendon, mais enfin des choses qui se sont décomposées. Donc on a trouvé que la plaquette et pas toujours entière. Mais actuellement encore, le rhombe est utilisé par les aborigènes d'Australie comme instrument cultuel qui évoque la voix des ancêtres. En Europe, le rhombe était utilisé aussi jusqu'à la fin du 19e siècle pour effrayer les loups et les perturber grâce aux infrasons qui étaient produits. Mais en ce qui concerne les hommes préhistoriques, ben, aucune des deux utilisations n'est confirmée ni démentie d'ailleurs. On sait juste que ça existait. Alors voilà le son de ce rhombe. Et enfin, là on l'a peut-être mal entendu. Voilà, là c'est peut-être mieux, hein, on entend un peu quelque chose. Enfin, bon, ben, le racleur, qui est le seul instrument de percussion qui est attesté avec certitude pour la préhistoire. Donc, racleur, je vous avais fait entendre un truc moderne en bois qui est utilisé dans la salsa. Alors, voici la version préhistorique. Je ne sais pas en quelle matière c'était, si c'était en ivoire ou bien si c'était en. Est-ce que c'était en ivoire, en bois de renne, en os, bon, mais. En tout cas, bon, c'était les matériaux de l'époque. Alors voilà, ben ça c'est un petit peu le tour des instruments préhistoriques dont la fonction sociale n'était pas connue, n'est pas connue de façon claire hein, pour ce qui est de la musique, hein, la préhistoire. On en est réduit, ben, comme chaque fois, toujours, hein, dans ce domaine, à des hypothèses. Donc, le contexte archéologique peut éventuellement contribuer à donner des éléments de réponse, mais parfois il pose plus de nouvelles questions qu'il ne donne de réponse et ça peut devenir encore plus insoluble. Par exemple, si on trouve un instrument dans une tombe, est-ce que cet instrument était un élément du rite funéraire? Est-ce qu'il avait été joué lors de la cérémonie ou bien est-ce qu'il avait été juste là à titre décoratif? Est-ce qu'il indique le statut social du défunt? Est-ce qu'il aurait appartenu au défunt qui en avait joué toute sa vie? Vous voyez, donc simplement à partir d'un élément, on a plusieurs hypothèses qui s'ouvrent. Donc ça n'apporte pas toujours toutes les réponses qu'on veut. Alors, il y a aussi ce qu'ils font, c'est des comparaisons ethnographiques qui sont tentées, donc comme par exemple tout à l'heure pour l'utilisation du rhombe ou pour celle de la phalange sifflante. Mais ça reste des hypothèses parce que rien ne démontre néanmoins que l'utilisation récente de ces instruments, d'instruments identiques, corresponde à cette utilisation ancienne au temps de la préhistoire. On va tout de suite passer un petit peu de musique du coup. Donc on va en profiter. Ben, musique, ben, la minime partie à Traversac. On va dans la musique world là, ben, qui va bien d'ailleurs avec la préhistoire un petit peu quoi. Minime partie à Traversac. Donc c'est une improvisation faite par Meux le 7 octobre 2007 et mise en ligne sur Dogmazic ben, à la fin du même mois. Donc c'est sous licence GNU GPL, GNU Art, ça c'est sous une licence libre, contrairement au son d'instrument qu'on a entendu, ben, que vous ne pourrez pas utiliser autrement qu'en les faisant ben, qu'à l'intérieur de l'émission, tout simplement. Alors que ça, par contre, le me, ça, vous avez le droit de le diffuser de façon isolée. Minime partie at Traversac. Extraordinaire, tout coupé quoi.

bounding down the rim and getting round around the sun. And in the world in the sound of the well, how in the world in the sound of the well, I'm gonna get on the disobamba well, I'm gonna get on the disobamba well, I'm gonna get on the disobamba well, I'm gonna get on the disobamba well, I'm gonna get on the disobamba well, I'm gonna get on the disobamba well, I'm gonna get on the disobamba well, I'm gonna get on the disobamba well, I'm gonna get on the disobamba well, Quelques nouvelles de la loi Hadopi. Donc l'April, c'est l'association qui sert à promouvoir et à défendre le logiciel libre. Elle a manifesté son inquiétude face à cette loi. Elle rappelle que l'obligation d'installer des logiciels destinés à sécuriser l'accès à Internet a été sévèrement jugée par le Conseil constitutionnel dans la mesure où les dispositifs de filtrage effectuent un renvoi d'informations à un serveur distant et ça constitue une violation à la présomption d'innocence. Elle s'inquiète aussi de voir le texte s'éloigner, de ne pas le voir s'éloigner du premier. Par exemple, on ne voit pas, il n'y a pas davantage de preuves matérielles de la culpabilité des internautes suspectés de négligence de surveillance. Il précise également que le projet de loi Hadopi 2 est incompatible avec le logiciel libre, comme les DRM qui, par exemple, La seule manière de démontrer son innocence sera de recourir à l'utilisation d'un logiciel spécifique, et il y a de fortes chances pour que les auteurs de logiciels libres se retrouvent dans une insécurité juridique discriminatoire face à l'Adopi. Donc le logiciel de sécurisation sera par nature aux antipodes du logiciel libre. Ça repose sur l'instauration de dispositifs de contrôle d'usage obligatoires et ça pénalise injustement les utilisateurs de logiciels libres, notamment ceux qui ont Linux. L'April a mis en ligne un argumentaire détaillé avec les risques causés par ce projet gouvernemental. Donc les questions de sécurité informatique, de contournement du dispositif Adopi, de son détournement au profit d'organisations criminelles, l'insécurité juridique pour le logiciel libre y sont traitées notamment. L'Assemblée nationale examinera à partir du 21 juillet 2009 cette loi Adopi 2 et les signataires du pacte du logiciel libre, l'April a lancé un appel pour qu'ils s'opposent à cette responsabilité abusive des abonnés, à la disproportion des moyens de sécurisation que la loi vise à imposer, à l'insécurité juridique à laquelle les utilisateurs de logiciels libres sont voués à être exposés. On n'a pas songé à demander aux fournisseurs de technologies de services de garantir la sécurité des technologies ou des services qu'ils fournissent. On ne leur impose pas plus d'obligations de moyens, donc les utilisateurs n'ont qu'à se débrouiller pour assurer leur propre sécurité informatique. Ce qui paraît un petit peu saugrenu demander aux citoyens, aux simples utilisateurs, de sécuriser leur accès à l'Internet. Alors que les services de sécurité des administrations de l'État ne sont pas capables eux-mêmes d'assurer une sécurité informatique sans faille. Par exemple, Intramar, le réseau Intranet de la Marine nationale, dont les machines ont été infectées par le ver Conficker. Ça, c'est un exemple, par exemple, de choses qui se sont passées. Donc, les gens qui ne sont pas spécialistes de l'informatique. Alors, il y a également... On peut se demander si le Wi-Fi, la ministre de la Culture ne souhaite pas tout simplement interdire le Wi-Fi quand elle demande sur les collectivités locales la responsabilité de l'utilisation d'un hotspot par les utilisateurs nomades. On a également comme critique générale d'ordre juridique la possibilité de détourner la loi et de la contourner également. Alors ça sera inefficace parce que ça va être facilement, rapidement et massivement contourné puisque les agents assermentés agissant pour le compte d'organismes de défense des auteurs procèdent à une recherche proactive d'infraction, oui. Et donc leur adresse IP sera relevée avec la date, l'heure et les œuvres concernées. Constat qui sera ensuite transmis à l'Adopi qui identifiera les internautes via les fournisseurs d'accès Internet grâce à leur adresse IP relevée. Pour ensuite engager le processus d'avertissement et de sanction prévu par le projet de loi. Mais l'adresse IP n'est pas une base à la base n'est pas une donnée d'identification fiable des internautes. Elle peut être usurpée, empruntée, modifiée. Et donc Pirate Bay a déjà annoncé que les adresses IP fictives seraient injectées pour tromper les agents assermentés. Des chercheurs de l'université de Washington ont par ailleurs démontré qu'il était possible de faire croire qu'une imprimante avait téléchargé des fichiers sur Internet. Une telle donnée, prétendre accuser et sanctionner, ce n'est pas sérieux. Mais il y a également des risques de détournement de la loi au profit de la cybercriminalité. Par exemple, les volumes de courriels que la Adopi va envoyer, c'est clair qu'il va y avoir de faux courriels estampillés Adopi qui contiendront une pièce jointe que l'utilisateur sera invité à connaître, à ouvrir pour connaître les faits qu'on lui reproche. Et ça pourrait bien être un cheval de Troie qui transforme l'ordinateur en machine zombie. Il y a pas mal de choses comme ça qui... je vous donne le lien en fait, http://www.april.org/fr/adopi-sécurisation-ou-contrôle-d'usage, tout collé ensemble. Lien que je vous poste d'ailleurs, qui sera posté sur le forum de Dogmazic. Je vais répondre, tac, j'en profite déjà là. Et sinon, bon, qu'est-ce que. Donc ça pour et puis sinon pour Adopi. En revanche, au moins une chose, c'est que la surveillance des emails a été supprimée du projet de loi. Ça, c'est en revanche, c'est Franck Riester lui-même, le rapporteur du projet de loi, qui a fait enlever ça. Je pense qu'il ne voulait pas risquer une inconstitutionnalité supplémentaire, mais il y a d'ores et déjà des députés socialistes et autres ont annoncé qu'ils feraient un de nouveau appel au Conseil constitutionnel pour ça. Alors sinon, bon ben ce genre de choses, ce que j'avais prévu de vous parler, c'est le 14 juillet d'ailleurs, hein, parce que là franchement, ils m'ont gonflé ce jour-là. Qu'est-ce que t'as qu'un peu plafnu? Donc on avait eu droit au 14 juillet 2009. À Hacker Johnny qui s'est produit à Paris et sans appel d'offres apparemment et avec les sous du ministère de la Culture, donc nos impôts, et cela sur la seule décision unanime d'un scrutin à une voix sur une exprimée de l'empereur Zébulon le Bref, dont le taux de participation de l'inscrit frôlait les 100%. Alors, concert qui a été donné par Hack Johnny, qui ne paye pas ses impôts en France, puisque, au même titre que les actionnaires de la CAQ, il fait partie des vrais Français pour avoir fréquenté le Fouquet's le jour de la proclamation officielle de la France d'après. Et donc, à ce titre, l'appel d'offres paraît optionnel pour ce cas-là, comme par exemple le droit à la défense et au procès équitable est optionnel pour le peuple de plus en plus bas avec la loi Hadopi. Alors, bon, c'est la crise, la France est en déficit, donc il faut rééquilibrer les comptes en ponctionnant le peuple de plus en plus bas afin de le reverser au budget de la vraie France, c'est-à-dire les actionnaires de la CAQ et les copains du Fouquet's. Donc, ici, dans la buanderie où Angus émet le direct live from the Hellas, Hack Johnny est aussi venu hanter ma soirée du 13 juillet. Donc, pour la veille de la fête nationale, ben, le brillant fermier de haute race a organisé un concert. Hein. Le brillant fermier de haute race, c'est celui qui dirige la ville. Donc, ju mais c'était juste là, juste à côté, là, sur le parking périurbain situé au centre-ville. Ben, un concert d'un type ben, qui avait la gueule à Hack Johnny, il avait le costume de scène de Hack Johnny, la dégaine, enfin je veux dire le jeu de scène de Hack Johnny, le répertoire de Hack Johnny, la voix de Hack Johnny. Par contre, il n'avait pas le salaire de Hack Johnny, il faut pas exagérer non plus. Mais surtout, bon, en fait, le pire, c'est qu'il en avait le talent. Mais, donc, heureusement qu'il me restait une paire de bouchons d'oreilles pour tenir de 18 h à 2 h. Donc là, c'est la fin de la première partie de l'émission. Donc si vous téléchargez, en fait, oui, l'émission est en fait en trois parties. La deuxième partie qui va commencer juste après notre générique qui n'est pas encore prêt. Il s'agit de le générique, ben il s'agit de Hilharmonique. Hilharmonique qui est aussi candidat au remixage comme qui est donc comme tous les autres génériques de l'émission qui est sous licence art libre. Alors je précise que l'émission direct live from the Alsace en revanche est sous licence Creative Commons by NCND et que néanmoins les musiques qui passent conservent leur licence d'origine. Donc telle qu'elle est d'ailleurs indiquée au cours de l'émission.